Cette première année de mes relations avec mes voisins fut peut-être celle où les plus belles fêtes furent données chez eux. Deux de leurs filles eurent des enfants. Il y eut des baptêmes. On offrit des dîners de famille dont je ne fus témoin que de ma fenêtre, mais on recevait après le dîner. Et alors eurent lieu ces soirées sous les arbres, dont le seul souvenir m'inspire une nostalgie dont je ne saurais dire s'il est atroce ou délicieuse. Qui n'a éprouvé le plaisir morose qu'il y a à être seul, dans le silence et l'obscurité, un soir de printemps ou d'été, et à percevoir imparfaitement, à une distance suffisante pour que les bruits ne rompent pas la paix, une compagnie qui festoie sous les lumières. L'abondance des verdures m'empêchait de rien discerner, mais je sentais ces gens réunis, nombreux et heureux. Un choc d'argenterie ou de cristal, un cri d'enfant, un rire de femme, évoquent pour le célibataire des bonheurs auxquels il croit plus qu'aucun de ceux qui sont à même d'en jouir. Lorsque j'entendais la famille se répandre et les voitures arriver par la rue du Bouquet d'Auteuil, j'endossais mon habit. On était dispersés dans le jardin que M. Desréaux avait le goût de ne vouloir pas illuminer. En effet, les lueurs provinciales des becs de gaz dans les rues voisines, les lampes des salons et surtout la superbe clarté lunaire, lorsqu'une chance permettait qu'elle descendît du haut des grandes voûtes de verdure, procurait une lumière très suffisante et laissait admirer toutes les variétés du sous-bois dans sa beauté nocturne. Plutôt que par leurs enfants, c'était par l'agrément de leur maison que M. et Mme Desréaux étaient demeurés en contact avec des générations jeunes. Ils aimaient la compagnie. Peu s'en fallait qu'ils ne tinssent table ouverte. On ne les dérangeait jamais. Tout chez eux s'offrait aux commodités de chacun. Les pièces avaient des coins favorables pour les causeries à petit nombre. Les instruments de musique les plus divers étaient à la disposition des artistes. Ceux-ci souhaitaient-ils s'isoler pour jouer, répéter, faire entendre à quelques intimes une partition nouvelle? Deux ou trois petites salles s'ouvraient à eux. L'esprit non seulement accueillant, indulgent, éclectique, mais très avisé, souvent apte à émettre un avis précieux des maîtres de la maison, encourager un peuple appartenant au monde des grands concerts et du théâtre à porter ici de l'activité, de l'entrain, voire des audaces, qui n'effarouchaient point du tout Mme Desréaux, sûre qu'elle était de les pouvoir maîtriser d'un regard ou d'un geste, en les fixant exactement au point qu'elle jugeait ne devoir pas être dépassée. Des parcelles de la bourgeoisie ou des lettres, assez habilement découpées, se laissaient accoler volontiers à ce cœur d'artiste. De sorte que les nuits d'été, comme celle que je me remémore, le merveilleux jardin contenait une fraîche, alerte, élégante assemblée de qui il recevait la chaleur humaine que l'on peut juger superflue au grand paysage naturel, mais qui plus tard s'associe si efficacement aux souvenirs laissés par eux. Versailles se fait admirer, mais 100 fois plus si nous pouvons nous faire l'image des talons, des perruques et du petit triporteur où y fut voiturée la personne royale. Le jardin Desréaux m'avait séduit dès la première vue, mais l'émotion que me causa plus tard sa beauté solitaire est augmentée par la mémoire de ces soirs de fête. On errait dans la pénombre, on s'asseyait sur des bancs de bois un peu vermoulus qui causaient grand souci aux dames. Les gens âgés se réunissaient, d'ordinaire, plus sagement, sous la chaumière éclairée par une lanterne vénitienne. La voûte des arbres paraissait être d'une altitude démesurée. Entre les panaches immobiles, on cherchait les étoiles. À travers les feuillages aussi, on discernait çà et là, rue du Bouquet d'Auteuil, des voisins, accoudés à leur balcon, qui s'amusaient à suivre nos ébats dans l'ombre ou bien surtout écoutaient la musique. Car il restait toujours au salon quelques amateurs acharnés et qui nous faisaient partager, de loin et plus légèrement, leur plaisir. Parmi eux demeurait ordinairement Madame Barrigère, et tout à coup sa belle voix emplissait la nuit. À tous mes souvenirs du jardin, celui de cette voix se trouve ainsi lié. Elle les embellit, les spiritualise, leur communique une vibration durable qui vient encore aujourd'hui jusqu'à moi et me rend plus sensible à tout ce qui est de cet endroit qu'à tout autre lieu. Notez que je n'étais pas et ne fus jamais amoureux de Madame Barrigère. Je n'éprouvais pour elle qu'un sentiment partagé par tous les hôtes des Desréaux. Elle était excellente artiste et on lui savait gré du plaisir qu'elle nous procurait. Son mari recevait les félicitations avec une contenance touchante. Il était plus ému que ceux qui la complimentaient, et les compliments portaient son émotion au comble. Je mis plusieurs fois l'occasion à profit pour l'inciter à parler de sa femme. « Elle a de la technique, me disait-elle, mais son âme vaut mieux encore que ce qu'elle sait. Elle a toujours beaucoup travaillé. Elle travaille sans relâche, malgré les soins de la maison et les enfants, ce qui n'est pas peu de chose. mais un de ses maîtres, et un grand, me dit un jour, « Elle a reçu des dieux quelque chose qui ne s'acquiert pas par l'enseignement. Ce qu'on appelle son art, elle ne l'applique pas qu'à la musique, mais à tout ce qu'elle fait, à tout ce qu'elle dit, à tout ce qu'elle est. » Et la gorge du bon docteur se contractait. Il avait pour elle un incontestable amour, mais encore de la vénération. Seulement il avait pour elle quelque chose en outre, ainsi que je l'avais toujours remarqué. Ah, qu'était-ce que ce quelque chose qui le rendait tout à coup timide et comme étranglé, lorsqu'il parlait d'elle, lui si ferme, si volontaire et si fier dès qu'il passait aux spéculations intellectuelles. À certains moments, on eût juré qu'il se considérait indigne de sa femme. Comment et pourquoi indigne avec sa beauté physique, son esprit supérieur, ses qualités morales et l'avenir magnifique qui lui était réservé? Aurait-il la puérilité de se croire inférieur à elle faute d'être comme elle artiste? C'est l'hypothèse qui me retint, mais en vérité peu de temps. Mon intimité avec le docteur se resserra vers l'époque de cette soirée. J'étais souvent invité à déjeuner chez lui le dimanche. Je le saisissais là au sein de son ménage. Il fallait que le diable m'emportât si je n'arrivais pas, en de telles conditions, à déchiffrer une énigme qui, au lieu de m'intriguer, commençait à devenir pour moi irritante. Le dimanche était notre jour parce que le docteur ne donnait pas de consultation dans l'après-midi. Mais ne voilà-t-il pas qu'une fatalité voulait qu'il fût dérangé une fois sur deux dans la nuit du samedi au dimanche? Madame Barrégère en était désespérée. Elle enrageait. Devenue presque familière avec moi, elle prenait entre ses mains la tête de son mari affalée dans un fauteuil de cuir. Elle le cajolait, elle le baisait parmi ses cheveux qui se raréfiaient. « Il se fatigue, » me disait-elle. « Il est pâle, regardez, il aura bientôt des poches sous les yeux. » « Le pire, disait le docteur, est qu'elle ne peut s'accoutumer à mes absences et ne dort qu'après mon retour. » « Tristes obligations professionnelles, hasardai-je, mais accepterez-vous toujours de faire des visites de nuit ?» Il s'empressa un peu nerveusement de me répondre. « C'est inhumain, inhumain de refuser nos soins aux hommes sous prétexte que le mal les prend la nuit et non le jour. Qu'on établisse les statistiques, ajoutait-il, la plupart des grandes crises ont lieu entre 2 et 3 heures du matin. Nombre de malades n'osent nous appeler. Ils souffrent et nous les trouvons le lendemain en un état de résistance diminué de 75%. La résistance, tout est là, nous ne sommes bons qu'à la soutenir. » Il était doué d'un tempérament vigoureux, sa femme aussi d'ailleurs, et dès le milieu du repas, quand la conversation s'était échauffée, il ne restait plus trace de la double insomnie. Mais que de fois j'étais contremandé sous le prétexte que le docteur, devant s'absenter 48 heures, avait choisi pour son voyage le samedi et le dimanche afin de n'interrompre que le moins possible ses consultations. Un dimanche, j'arrivais à l'heure habituelle chez les Barrégères, mais après avoir fait une longue promenade au bois. Je trouvais la domestique un peu interdite à ma vue. Comme elle ne soufflait mot, comme j'hésitais à entrer, une porte fut entrebâillée sur l'antichambre et j'aperçus Madame Barrégère. « Comment, c'est vous? Vous n'avez pas reçu mon bleu ?»« Je suis hors de chez moi depuis 2 heures. Entrez, je vais vous expliquer. » J'entrai sans poser ni ma canne ni mon chapeau afin de signifier que j'étais prêt à repartir. Madame Barrégère me dit « Le docteur ne rentre pas, il a manqué son train. » Il profite de l'incident pour voir un autre malade de la même localité. Il ne sera là que ce soir. Tenez, voilà son télégramme daté de Saint-Germain. C'est ce que je vous racontais dans le mot qui est certainement chez vous. Je me confondis en excuses. Je fus aussitôt debout pour reprendre la porte. Madame Barrégère était hésitante. Elle me dit « C'est ennuyeux de vous renvoyer comme cela, puisqu'un hasard a voulu que vous ne receviez pas mon pneumatique. Quand je suis seul, je déjeune de rien. » Mais après tout, les provisions avaient été faites. Il ne s'agirait pour vous que de patienter un quart d'heure, de me laisser m'habiller et donner les ordres à la cuisinière, à moins que ça ne vous sourie pas de déjeuner tête à tête avec moi. Après ce mot, je ne m'excuse même pas, je reste pour le tête à tête. Nous déjeunâmes tranquillement, Madame Barrégère et moi. Les enfants étaient chez leurs grands-parents. S'il y avait eu dans le ménage ne fût-ce qu'une ombre dont la tâche eût été gênante pour la femme, l'occasion était bonne. Sinon, pour une confidence, du moins pour quelque allusion. De ceci, une amoureuse inquiète se défend si mal. C'était de son mari que j'étais surtout l'ami, oui, mais j'étais devenu avec elle aussi très familier, et je l'étais devenu d'autant plus aisément qu'il n'y avait guère entre elle et moi aucune galanterie. En outre, Madame Varégère était une des premières femmes que j'ai connues dans cette génération nouvelle où la camaraderie avec l'homme les rend moins dissimulées et leur fait nommer franchise virile le rapide étalage de tout ce qui peut atteindre ou leur cœur ou leur sens. Elle me parla uniquement des inconvénients de la profession qu'exerçait son mari, des jours où elle le voyait trop peu, des nuits fréquemment troublées et toujours incertaines, enfin de ses consultations hors de Paris qu'elle tenait pour l'inévitable conséquence de sa renommée grandissante. Ce ne fut même pas très amusant. Si je recueillis quelques documents qui pût contribuer à l'enquête que je menais presque malgré moi sur ce rayon invisible à l'œil nu, mais soupçonnable chez le docteur, ce fut le fait de ces consultations hors de Paris, de leur nombre et enfin de leur durée ou de leur prolongement accidentel, qui m'avait valu précisément de déjeuner seul ce dimanche-là avec l'amoureuse femme du docteur. Mais que Madame Barrégère, amoureuse, n'eût rien à confier ou à dissimuler touchant son mari, c'est-à-dire que les énigmatiques particularités dont j'avais été frappé, moi, n'existassent pas à ses yeux, voilà qui tendait à détruire chez moi-même le prétendu mystère. Que diable, cette femme, si amoureuse qu'elle fût, n'était ni aveugle ni sotte, uniquement et constamment préoccupée de son mari, il était inadmissible qu'elle ne l'eût pas étudié, épié, soupçonné même, enfin connu jusqu'en ses plus secrets replis. Elle m'avait cité de lui maint trait qui allait jusqu'à déceler chez elle une perspicacité bien aiguë. Rien pourtant chez elle, non plus que chez monsieur et madame Desréaux, qui dénonça ce passager et douloureux coup d'ombre, régulièrement constaté par moi sur le front du docteur, dans les moments mêmes où le docteur se révélait le plus épris de sa femme. Et je notai d'une manière assez explicite que madame Barrégère n'était pas secrète et qu'elle manquait de contrainte jusqu'à laisser redouter de sa part ce qu'on appelait l'indiscrétion au temps où la discrétion existait. Elle était elle au-dessus de tout le monde. On ne parlait guère d'elle, fût-ce avec la plus grande sympathie, sans ajouter « Ah, par exemple, avec elle on sait tout, et les tenants et les aboutissants. » Eh bien, que chacun tire, du fait que je vais à présent rapporter, les conclusions qui lui plaira. Dans la semaine qui suivit mon déjeuner tête-à-tête avec Madame Barrégère, je reçus d'elle un pneumatique qui, cette fois, me fut remis dès sa distribution. Elle me priait de venir la voir tout de suite. Elle ne sortirait pas de la journée, écrivait-elle, elle demeurait chez elle en m'attendant. La chose me parut stupéfiante. Je sortis aussitôt et je fus chez elle sans m'être permis la moindre conjecture. La femme de chambre qui m'ouvrit fut encore une fois étonnée de me voir. « Je ne sais pas si madame est là. Voulez-vous lui faire passer mon nom ?»« Ah, je vais voir, mais je crois bien que madame est sortie. » La bonne revient et a reçu l'ordre de me faire entrer. Mais je trouve à madame Barrégère l'air aussi gauche qu'à sa bonne. Elle n'est certainement pas heureuse de me voir. « Ne m'attendiez-vous pas, par hasard, ai-je mal lu ?»« Si, si, je pensais bien que vous viendriez. C'est-à-dire, je me disais, sans doute il n'est pas chez lui, il ne viendra pas. » Peut-être la raison qui vous a fait m'écrire n'existe-t-elle plus? Oh, je sais que vous allez me juger folle, vous qui détestez les gens mal équilibrés. Je désirais vous parler, c'est sûr, puisque je vous ai demandé de venir. Mais tout autant, je redoute que vous me preniez pour une détraquée si ce que j'ai à vous dire vous semble ridicule. Je la rassurai de mon mieux. Elle me dit tout à coup, voilà. À tort ou à raison, je me suis reproché de vous avoir énuméré l'autre jour en m'en plaignant outre mesure, les absences de mon mari. J'ai pensé, ah ça, mais n'aurais-je pas parlé comme une femme jalouse? Vous êtes jalouse de tout ce qui retient votre mari loin de vous, et c'est trop naturel. Oui, mais vous n'avez pas été vous imaginer que j'étais jalouse à la façon commune, avec soupçon, par exemple. Comment pourriez-vous soupçonner un homme comme le docteur? Ce serait fou. Mais oui, je le pourrais, précisément si j'étais folle. S'il y a une chose que je crois fermement, c'est que vous n'êtes pas du nombre des femmes folles. Merci. Alors vous n'avez pas interprété mes gémissements dans le sens absurde? Mais c'était impossible, impossible. Ah, vous me soulagez d'un grand poids. Elle soupira, et puis parla immédiatement d'autre chose. J'eus l'impression que le poids dont je la soulageais n'était pas du tout celui qu'elle disait. Ce qu'elle avait appréhendé, c'était de ne pouvoir trouver de motif plausible à m'avoir convoqué chez elle. Un motif qui demeurait secret l'avait fait me convoquer. Son mot à peine jeté à la boîte, elle l'avait regretté. J'étais arrivé chez elle dans le moment où elle comptait que la Providence, venant à son secours, aurait voulu que le pneumatique ne me parvînt que trop tard, comme cela était arrivé déjà une fois. Dans ce puéril espoir, elle n'avait même pas annoncé ma visite à sa femme de chambre, et me voyant entrer dans son salon, elle m'avait offert la plus triste expression de deux sentiments contradictoires, un visage neutralisé, désobligeant comme un masque. Pourquoi m'avait-elle convoqué? C'est ce que je me demandais lorsque, prenant congé d'elle après avoir touché deux ou trois sujets insignifiants, je lui dis, par manière de badinage, « Je me sauve. Le docteur serait en droit de m'accuser de vous faire la cour. » Elle entendait peu la plaisanterie. Elle me dit avec cette spontanéité qu'elle ne maîtrisait pas, « Oh, il n'est pas là, il est en voyage. » Un mot qui lui échappait, ou bien au contraire un mot qu'elle brûlait de me dire. Si j'avais dit, moi, aussi vite, les mots qui me vinrent à l'esprit, « En voyage, encore ?» Peut-être Madame Barrigère m'eût-elle retenu pour m'avouer le motif qu'il avait fait me convoquer. Mais au lieu d'exprimer ce qui correspond exactement à ma pensée, je dis comme si je n'avais entendu que « il n'est pas là » et pas du tout « il est en voyage ». « Vous lui ferez mes amitiés ?» En descendant l'escalier, j'avais la conviction que Madame Barrigère m'avait fait venir, dans un moment où le besoin d'expansion l'emporte surtout, pour me confesser ses angoisses et qu'un brusque retour sur elle-même lui avait représenté cet aveu comme inopportun, comme dangereux ou comme inadmissible. Ses angoisses n'étaient pas inspirées par les seules absences de son mari. Elle avait sur son mari des soupçons. Que ces soupçons puissent être justifiés, rien n'était plus invraisemblable du point de vue des communes apparences. Mais j'ai éprouvé qu'en ces matières, l'invraisemblable et le probable peuvent fort bien être assimilés. Malgré cela, et malgré les inquiétudes que je concevais personnellement au sujet du docteur, c'est vers l'hypothèse de l'invraisemblance que je penchais sans hésiter, car les signes qui avaient fixé mon attention sur le docteur, rien n'autorisait à les attribuer à ce qu'une femme amoureuse redoute le plus chez son mari. J'ajoute que s'ils avaient eu à mes yeux ce sens limité et vraiment trop banal, ils m'eussent laissé d'une glaciale indifférence. Je ne me sentais nullement porté à me passionner pour une affaire d'adultère, mais loin de là, ces signes avaient été joints, presque constamment et devant moi, aux marques du plus vif amour de Barrigère pour sa femme. Coïncidence en vérité singulière et qui nous entraînait au-delà des mille et un chapitres ressassés de la dissimulation conjugale. Maintenant, Madame Barrigère n'aurait-elle pas été témoin, elle aussi, de ces passages de nuée sur le front de son mari, dans les instants où il avait sujet d'être le plus serein? Et en ce cas, n'était-il pas logique qu'elle les eût interprétés non pas en cherchant midi à 14 heures comme je faisais, mais en agissant comme toute femme à sa place eût fait, c'est-à-dire d'une façon sommaire. Je devais demeurer longtemps dépourvu d'aucun supplément d'information. La saison était avancée. On allait se disperser prochainement. Les Déréaux passaient l'été en Bretagne. Je fuyais Paris dès les premières chaleurs. Le docteur, attaché par sa profession, ne prenait que quelques semaines de congé en septembre. Je me souviens de la dernière soirée passée chez mes aimables voisins à la fin de juillet. Les Barrigères avaient dîné là avec un autre ménage et moi. L'air, qui commençait à s'embraser durant la journée, rafraîchissait le soir sous les ombrages épais. On entendait au loin les rumeurs épuisées de Paris, et tout à coup, pendant un silence, un poisson dans le bassin qui brisait la surface immobile de l'eau. À partir d'une certaine heure, les petits crapauds, toujours invisibles, tapaient sur leur enclume au bruit mélancolique. Alors, tout à coup, par les grandes baies ouvertes, éclata l'orage du septième nocturne. « Votre amour de femme se surpasse, » dit Madame Desréaux au docteur. Nous étions assis au seuil de la chaumière. Les sièges de jonc avaient été tirés en dehors afin qu'on respirât mieux. Tous les détails du jardin, visibles de cet endroit, me reviennent à la mémoire. L'allée dont nous foulions le gravier inclinait à gauche, selon une courbe lente, vers la double rampe de l'hôtel, fourrée de rhododendrons, et à droite suivait une autre courbe, plus allongée encore, dans la direction de la grille lointaine par où, lorsque j'étais chez moi, devait se laisser apercevoir ma fenêtre éclairée. Une diane de marbre, un grand vase d'allure versaillaise, étaient les seuls objets perceptibles dans l'ombre. Ça et là, sous le tapis de la pelouse ou la margelle du bassin, la lune, avec sa négligence de reine orientale, laissait tomber un riche lot de lamées d'argent au bord déchiqueté ou coupé par un ciseau malhabile. Les troncs des arbres, énormes et démesurés, semblaient composés d'une irréelle matière moelleuse, fongueuse, feutrée ou recouverte d'une gaine de velours. Les feuillages ici nous pesaient comme les lourds chapeaux de ces champignons gigantesques, là, au contraire, transparents, scintillants, mobiles comme la neige tombante, et éclairés en dessous par les lueurs de la rue, ils nous allégeaient, nous aéraient, devenaient un vaste appareil pulmonaire par quoi l'échange s'établissait entre nos poitrines et l'immense ciel d'été. Toutes les demi-divinités, diaphanes et légères, que poètes et peintres inspirés tiennent avec raison pour inséparables des bois et de la nuit, on les eût vues passer, courir ou danser, sans en être le moins du monde étonné, ce soir. C'était pendant que, les violences de l'orage apaisées, nous parvenaient du salon les phrases palpitantes comme l'aile d'un oiseau mourant, du décrescendo du septième nocturne. Puis Madame Barrégère parut dans la baie éclairée et descendit les marches du perron. Son mari courut au-devant d'elle et, sans contrainte aucune, lui baisa longuement, très longuement, la bouche. Madame Desréaux, désignant le couple qui se rapprochait de nous, dit ces mots qui résonnent à mon oreille comme les dernières mesures du nocturne. « Voilà l'image du bonheur. » Mon amitié nouvelle avec Madame Barrégère me valut, durant les 2 mois de séparation, un échange de cartes postales. Tout le mois d'août, je reçus des vues de Paris. À partir de septembre, des effets de vagues, des chalets normands me furent expédiés de Villers, petite station située entre Deauville et Cabourg. Et comme toute chose s'accomplissait chez le docteur avec ponctualité, l'habitude adoptée de m'envoyer la carte le dimanche fut observée à la mer comme à Paris. Toutefois, je remarquai que de Villers, les cartes étaient une semaine de la main du docteur, de la main de sa femme la semaine suivante, sans que la moindre fantaisie troublât jamais cette alternance. Est-ce que le docteur s'absentait un dimanche sur 2? C'était probable et c'est ce que je supposais. Cependant, ni l'un ni l'autre de mes correspondants n'y fit une seule fois allusion. L'on s'évertuait jadis à lire entre les lignes une lettre de 4 pages. Que faire aujourd'hui entre les 4 demi-lignes rognées par une adresse? Quand je revins à Paris, en octobre, les Barrégères étaient chez eux, mais nos entrevues furent moins fréquentes que ne l'avaient été nos cartes. Le docteur était souvent absent. J'invitais quelquefois le ménage à dîner, au restaurant. Mais alors, il arrivait aussi que Madame Barrégère dut m'écrire. « Impossible, mon mari est absent. » Ma foi, à la fin, je m'étais fait à ses mœurs. Personne, après tout, n'en exprimait de plainte, et n'étais-je pas sot d'aller imaginer des intrigues souterraines alors que la surface du sol n'était nullement ébranlée. Je rêvais à ma fenêtre un matin de la fin d'octobre. C'était un des moments de l'année resplendissant pour le jardin des Réaux. Nombre de feuilles déjà tombées laissaient le champ libre à ma vue. Entre les barreaux de la grille, je comptais presque tous les troncs d'arbres, et mon imagination complaisante s'arrêtait à chacun d'eux en réédifiant sa stature particulière, tantôt vue de la chaumière, tantôt du salon ou de la terrasse. Je surveillais les canards immobiles comme des porcelaines ou bien tout à coup prenant leur départ, comme les bateaux à palettes du Léman, pour tracer un double sillage à la surface de l'eau dormante. J'apercevais au loin la maison aux volets rabattus, que les grandes mains d'une branche de marronnier, les doigts écartés et crispés, semblaient avoir hâte de faire ouvrir. L'air étant calme, une pluie d'or, trop parcimonieuse, expliquait l'absence de Danaé. Heures enchantées. L'effet des saisons sur la nature végétale qui, dans 3 règnes, est le plus sensible, mieux qu'aucun livre nous parle sagesse. Grâce et sourire de la naissance, luxuriance de la vie mûre, beauté des déclins qui ont su s'orner, et chute momentanée dans le néant, laissant le recours ouvert à l'espérance, tant ce qui domine ici toute leçon est le renouvellement assuré des choses. Je rêvais qu'entre les lambeaux de tissu d'or suspendus aux branches allégées, j'aperçus pour la première fois depuis ma rentrée une silhouette d'homme dont les pas faisaient bruire les feuilles sèches, et je reconnus le docteur. De loin, il me fit signe, et disposant ses mains en porte-voix, il me criait « Puis-je monter chez vous ?» Jamais le docteur n'était venu chez moi. Il n'en avait pas le temps. Il m'empoignait dans le jardin quand un hasard m'y plaçait au moment où sa clinique gratuite lui laissait un quart d'heure de loisir qu'il prenait sur son déjeuner. presque aussitôt, le voilà retournant sur ses pas pour gagner la porte de la maison des Réaux. 5 minutes après, il entrait, essoufflé, dans mon cabinet. « Excusez-moi, je suis un peu pressé. J'ai des choses importantes à vous dire et même un service à vous demander. » Les mains sur les épaules, j'opérais une pression pour le faire tomber sur mon divan, en même temps que je souriais pour lui indiquer que j'étais tout à sa disposition. Il me dit « Je suis vraiment confus de ce que j'ai à vous demander. Vous êtes un sédentaire, vous êtes bien chez vous et vous avez à travailler. » Mais il s'agit de sauver une femme. Comment ? Fis-je. Ah, mais je n'ai pas eu le temps de vous demander des nouvelles de Madame Barégère. Il me dit, elle va bien. En même temps que de la main et de tout le visage, il me faisait signe qu'il ne s'agissait pas de sa femme. C'est au psychologue, autant qu'à l'ami, que je m'adresse, poursuivit-il. Voilà. Je suis retenu à Paris par un malade opéré avant-hier et dont l'état est sérieux. Je ne pourrai le quitter de 3 jours. Or, une autre malade est gravement atteinte, elle aussi. Rassurez-vous, je ne vais pas vous prier d'assister à une intervention chirurgicale. Je vous répète que l'homme que j'implore en vous, c'est celui que ne saurait étonner aucun excès de sensibilité. J'eus comme une révélation de ce qu'il allait me dire, de sorte que lorsqu'il me le dit, je n'éprouvais en vérité aucun étonnement. Mon erreur consista à avoir prévu qu'il m'en dirait davantage. En 2 mots, mon cher ami, j'ai une cliente habitant Saint-Germain. C'est une pauvre femme, jeune, veuve après 3 mois de mariage, appartenant à une excellente famille. Je l'ai tirée, ou plus exactement, elle croit que je l'ai tirée il y a 5 ans d'un cas désespéré. Et bien qu'elle ne veuille pas admettre qu'elle soit complètement guérie, elle m'avouait une reconnaissance sans bornes, ce qui vous expliquera bien des attitudes ou des paroles que vous auriez peine à interpréter avec justesse si je ne vous donnais cet avertissement. Elle croit avoir un impérieux besoin de mes soins, et cette croyance est de nature à lui causer de véritables crises, pour peu qu'elle soit privée de ma visite. Cette exigence est pour moi l'origine de 1000 soucis qu'il sera de mon devoir de vous compter après le service que vous m'aurez rendu. Or, voici la première fois, depuis longtemps, que je me trouve dans l'impossibilité de me rendre à Saint-Germain le jour qu'elle m'attend. Lui adresser une lettre ou un télégramme est chose pire que de n'y pas aller. J'ai eu le tort de la gâter par mon assiduité. En ne me voyant pas, elle imaginera les motifs les plus extravagants à ma défaillance. Vous serez témoin de ces divagations, et il faut que je sache votre esprit bien fertile en ressources pour que je vous expose à pareil assaut. Mais je m'aperçois que dans ma précipitation, je ne vous ai même pas exprimé en termes précis la nature du service dont me voilà en train de vous exposer les singularités. Mon cher ami, je vous demande d'aller pour moi là-bas et d'y aller immédiatement. Oui, oui, rien de plus ingrat. Ma cliente verra arriver un homme au lieu d'un autre, un écrivain au lieu de son médecin. Ce fait lui paraîtra d'abord plus inquiétant que de ne voir arriver personne. J'en tombe d'accord. Mais c'est une angoisse dont la durée sera, grâce à vous, de quelques secondes, parce que vous saurez la dissiper. Or, c'est des quelques secondes qui suivront l'entrée en gare du train où je ne serai pas que je redoute l'effet. La personne est capable de prendre le premier train pour Paris et d'arriver chez moi. « Eh bien, » dis-je au docteur, comme si je n'admettais pas qu'il y eût catastrophe à la venue de cette malade en son cabinet. « Vous ne pouvez comprendre, » dit-il, « mais vous comprendrez. Pour le moment, je vous prie d'agir aveuglément en ce qui concerne ses conséquences et avec toutes les lumières de votre intellect en ce qui concerne les premiers soins psychologiques à donner à la malade. Psychologique, je me répète, c'est de vous autres, écrivains, plus que de nous, que relèvent de tels troubles mentaux, élémentaires. Les premières réactions aperçues chez votre sujet, quand vous lui aurez annoncé que je vous ai chargé d'une commission, détermineront de votre part les paroles apaisantes. Une dépêche, une lettre suscite des commentaires libres, indéfinis, sans réplique. Au contraire, une présence intelligente et sensible arrête d'un mot ou d'une expression de visage cette germination hâtive d'hypothèses pessimistes. Le thème essentiel de votre discours, celui-ci, votre amitié pour moi. Je suis venu vous demander un service, vous me l'avez rendu aussitôt. Enfin, voilà, non pas toute l'affaire, mais tout ce que j'ai le temps de vous en exposer aujourd'hui. Je ne vous demande même pas si vous acceptez. Vous prenez votre chapeau, je vous mène à la gare Saint-Lazare et je file à ma maison de santé. » Il me fournit, durant le trajet en voiture, quelques renseignements indispensables, le nom de l'intéressante cliente, par exemple, qui était Madame Janet, et son adresse à Saint-Germain. Il se confondit en remerciements. Il me dit, à plusieurs reprises, « Je vous expliquerai. Vous pensez bien que j'aurai à vous expliquer. » Il me dit, une fois ces mots, en appuyant familièrement toute sa main sur mon genou, sans paraître se douter que c'était déjà m'expliquer beaucoup, sinon tout. Je me laissais aller avec docilité et mélancolie. Service commandé par l'amitié, nulle reculade possible. Mais de mon peu d'entrain, voici quelle était la cause. « Et quoi ?» me disais-je. « Le mystère qui m'a tant intrigué, le voilà qui se rébelle et c'est décidément le banal adultère. » Mon docteur, si invraisemblable qu'ait paru la chose, a une maîtresse à Saint-Germain. C'est pour celle-ci qu'il s'absente et simule une clientèle de banlieue et de province. Quelle misère! Je vais voir cette séductrice, je vais me trouver mêlé à l'intrigue. C'est piquant et pas tout à fait drôle, mais que c'est pauvre. Et à quel point cela cesse de m'intéresser? Sous ce front où il est si possible que le génie se tapisse, les ombres qui volaient le regard d'un mari adoré de sa femme, ce n'était que le romantique déguisement du remords le plus bourgeois. Je rêvais nouvelles stendhaliennes ou drames raciniens. Est-ce que ce jour va me voir échouer dans le feuilleton sentimental ou la physiologie de l'amour? Je pestais. Le docteur, qui, tout en m'appelant sans cesse psychologue, l'était beaucoup plus que moi. Il s'aperçut de mon état, il me toucha encore une fois le genou et me dit « Je serais désespéré si je croyais vous faire perdre votre temps. » Mais... Il hésita, puis de la tête et de l'index, il fit « Non, je ne le crois pas. » Avec sa manie charitable, peut-être voulait-il dire qu'il allait me faire accomplir une bonne action, ou bien, en amant, considérait-il que m'expédier près de sa maîtresse n'était, après tout, solliciter de moi une trop pénible démarche. C'est muni de ces considérations pour moi déprimantes que je partis pour Saint-Germain. J'essayais, durant le trajet, de penser à autre chose. Les sujets que j'écarte d'ordinaire ne sont pas précisément les sujets ennuyeux, mais ceux qui m'apparaissent intolérables par leur platitude. La fadeur de clichés, l'accent provincial, la qualité de dessus de pendule ou d'articles de bazar qu'avait celui-ci me donnait la nausée. Enfin, accomplissons notre mission amicale. J'arrive à Saint-Germain. Je m'informe de mon train de retour. Je me dirige vers une voiture. J'avise ce qu'on appelait dans ce temps-là un sapin ouvert. Le système du compteur à petit drapeau n'était pas alors en usage. Le cocher m'indique du menton une petite femme qui se tient debout à 10 pas, retenue par la môme. Un coup d'œil sur la môme, qui me fait obstacle car il n'y a pas d'autre voiture à l'horizon, je demande au cocher « La rue du Remblai est-ce loin ? Quel numéro que vous allez ?»« Au 19. » Il rit. « Au 19 ? J'en sors. C'est la petite dame que j'y ai chargée. Madame Janet, alors ? C'est ça, juste. Je la connais peut-être. C'est moi qui l'amène en forêt. » Avant d'aborder Madame Janet, j'ai un moment d'hésitation. Ces quelques secondes me suffisent pour assister à un drame muet auquel je ne peux me défendre d'être sensible. La jeune femme a vu sortir de la gare les rares voyageurs. Elle fait une dizaine de pas à gauche, elle en fait autant à droite afin d'inspecter l'intérieur de la gare par les 3 portes vitrées dont une seule est ouverte. L'employé qui recueille les billets s'est retiré. Le train est reparti. Vraisemblablement, aucun voyageur ne se montrera plus. Alors elle se précipite vers la porte ouverte, elle entre, elle ressort aussitôt. Et le masque que je lui vois est celui d'un désespoir que je n'ai jamais vu traduit avec une pareille intensité. Je vais à elle. « Madame Janet ?» Elle fronce les sourcils. Sa douleur se met en colère. « Eh bien, c'est moi ?» « Madame, je suis chargée par le docteur. »« Un accident !» fait-elle aussitôt. « Il... Mais non, madame, je viens de le quitter à l'instant. Il est près d'un malade dont il ne peut s'éloigner. » Je débite mon boniment. Je lui dis mon nom, ce dont elle se soucie peu. Elle m'interroge avec la sagacité d'un juge d'instruction. Nerveuse, certes, mais la tête solide, le raisonnement serré, l'imagination sans vagabondage et l'intuition singulièrement heureuse. Une femme difficile à tromper. Par bonheur, je n'ai à lui dire que la vérité. Elle sent que je ne mens pas, car elle s'apaise, et toute déçue et endolorie qu'elle soit, elle ne se montre pas aussi bourrue qu'elle eût pu continuer de l'être envers le porteur d'une mauvaise nouvelle. Elle me dit, « Puisque vous allez au pavillon, monsieur, voulez-vous me permettre de vous y conduire? Cela me détournera à peine. C'est une vraie chance, j'accepte avec empressement. Nous tenons, chemin faisant, quelques propos embarrassés. Est-ce de la timidité qu'elle a ou de la méfiance? Je me tiens dans les généralités qui l'impatientent, c'est visible. Enfin, après des merci exagérés et des saluts, je la vois, dans sa voiture, s'éloigner du pavillon Henri IV. Je déjeune, soulagé d'une corvée que le hasard a beaucoup réduite. L'affaire m'intéresse médiocrement. Le temps est beau, j'aime le paysage étalé sous mes yeux. Ma pensée s'envole à mille lieues du docteur et de ses amours. Puis soudainement, me voilà ramené à la contingence suivante. L'ami du docteur, avec qui je viens de passer ce matin 25 minutes, ne me paraît pas être une femme quelconque. Je reconstitue les différentes expressions de son visage. La tragique, au moment de la rude déception à la gare, la farouche et presque féroce, au moment où l'inconnu que j'étais l'a appelé par son nom. L'enquêteuse pressée, vorace, et ensemble intelligente, lorsqu'elle m'a fait subir un interrogatoire si bien conduit. Enfin celle qui doit être la normale, lorsqu'une demi-sérénité, confusément avec une tristesse douce, vint rétablir en leur ordre des traits qui, non pas beaux, pouvaient, ma foi, n'être pas sans séduction. Et ne voilà-t-il pas que la curiosité me prend, au lieu de flâner sur la terrasse, d'aller voir comment est faite la maison qu'habite Madame Jeannet? J'ai quitté la pauvre femme bien sèchement, me dis-je. Ne serait-il pas, pour le moins, convenable de déposer chez elle une carte? La rue du Remblai, non bâtie d'un côté, est composée de petites villas qu'un jardinet sépare les unes des autres et une simple haie vive du trottoir non macadamisée. Je vais être aperçu. Si elle est dehors, je devrais la saluer et elle ne pourra se dispenser de me recevoir. Et une telle perspective ne m'effraie pas. Comparable, sinon égale, à celle que m'avait inspirée le docteur mystérieux, la curiosité me ressaisissait en faveur de la femme même qui rendait mystérieux le docteur. Je crois que ce n'était chez moi que goût de récréation après un bon déjeuner. Je ne vis pas la jeune femme, et je déposai ma carte entre les mains d'une servante au langage prompt qui, à mon grand étonnement, me dit « Monsieur est peut-être l'ami du docteur ? Ah, madame va bien regretter. Madame est allée justement devant de monsieur, rapport à une commission. »« Bon, dis-je. Je retourne sur mes pas, je la croiserai probablement. Prenez garde, c'est qu'il y a plusieurs chemins. Mais madame est bien capable d'avoir été jusqu'à la gare, si madame s'est mis dans la tête de donner une commission à monsieur. » Madame n'est pas inquiète, je suppose. Je croyais bien l'avoir tranquillisée. Tranquillisée, oh! Il n'est pas celui qui saura si madame est tranquille ou bien non. Elle se monte, voyez-vous, et puis, la minute d'après, la voilà aplatie comme une descente de lit. Sait-il à son âge aussi qu'on devrait habiter si loin? Ah, du temps qu'on était rue d'Ernaude, pas loin du bois où j'allais sortir mon petit-fils le dimanche. Monsieur connaît bien la rue d'Ernaude. Je regagnai le pavillon Henri IV, sans avoir rencontré Madame Jeannet. On me dit qu'en effet, une dame s'en était retournée promptement, faute de me rencontrer. Comme j'en avais le temps, je descendis à pied vers la gare. Devant le guichet, qui vois-je? Madame Jeannet. Elle prenait un billet pour Paris. J'ai appris à votre porte que vous souhaitiez me charger d'une commission, madame. Puis-je vous épargner un voyage? Oh non, je vous remercie. J'avais en effet songé à vous demander ce service. Mais puisque le sort m'amenait jusqu'ici, je m'abandonne à sa décision. Je suis fataliste, voyez-vous, et superstitieuse. J'avais mon retour, je ne la quittais pas un instant. Ce fut tout naturellement que nous montâmes dans le même compartiment. Il n'y avait pas d'autres voyageurs. Aussitôt assise, en face de moi, elle me dit, sans aucune hésitation, « J'ai un peu perdu la tête ce matin, vous comprenez? N'ai-je pas oublié de vous prier de lui demander pour moi un autre rendez-vous très prochain? Il ne vous avait rien dit à ce propos? « Non, madame, je l'ai vu tellement pris par son malade, et il ignorait ce matin quand il lui serait possible de s'éloigner. »« De s'éloigner ? Enfin, il le quitte bien, ce malade précieux, puisqu'il était jusque chez vous. Une fugue de 3 quarts d'heure, le voyage de Saint-Germain demande davantage. » Il ne la gênait pas du tout de me laisser entendre qu'elle ne pouvait pas voir le docteur à Paris où présentement elle se rendait. Car enfin, non seulement il faisait pour venir chez moi une fugue de 3 quarts d'heure, mais il avait chez lui ses heures de consultation. Elle ne prenait pas la peine de jouer devant moi la malade. Elle était de ces amoureuses qui aiment à proclamer leur amour. Elle me dit, « Il ne vous a pas défendu de m'indiquer si la clinique a été opérée sans malade. Certainement non, mais il ne me l'a pas non plus indiqué. Elle eut de nouveau la face courroucée que je lui avais vue le matin au moment où je la saluais à la gare. Mais vous savez où elle est, cette clinique ? Je vous jure que non. Mais vous savez où le trouver, ce soir, lui, le docteur ? Elle était trop indiscrète. Je lui répondis un peu sèchement : quand je veux courir la chance de le trouver, je vais à son domicile. L'arc bien bandé de chacun de ses sourcils se brisa. Ma réponse la vexait. C'était là qu'elle ne pouvait pas aller, au domicile du docteur. Elle garda le silence. Quand elle reprit la parole, je remarquai que sa bouche se contractait et sa voix me parut altérée. Voilà bien longtemps qu'il n'a pas eu un malade aussi exigeant. Ce malade, qui est-ce ? On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Le docteur m'a dit « un malade, mon malade ». Il a dit « mon ». Il a dit « mon ». Ils peuvent dire « mon malade » aussi bien d'une femme que d'un homme, avec leur manie de fausse discrétion. Elle se tut encore. Elle haussa vivement l'épaule. Se moquait-elle des fausses discrétions professionnelles ? Ou le geste dédaigneux ne s'adressait-il pas à moi ? Je suis sûr qu'elle me traitait à part elle d'idiot, pour n'avoir pas eu l'idée de demander au docteur à quel sexe appartenait son malade. J'essayais de justifier le docteur et moi-même. La discrétion, c'est une affaire de conscience et tout individuelle. Mais ces messieurs sont obligés à la prudence, parce que d'autres qu'eux-mêmes peuvent être intéressés dans l'affaire. Pour ce qui est de moi, si j'avais su, si j'avais pu prévoir. En effet, il m'était facile d'interroger au moins le docteur, mais, madame, je ne savais rien, rien de rien. Vous ne saviez rien. Il ne vous avait pas dit, madame, je vous en donne ma parole d'honneur. Elle haussa cette fois les deux épaules. « Des mots d'homme, » dit-elle avec dédain. « Je ne crois guère les hommes, vous savez, » ajouta-t-elle. « En tous les cas, ils font d'étranges cachotteries. »« Oui, oui, parbleu, vous allez me dire que ça s'appelle de la tenue, de la pudeur aussi, pourquoi pas ?»« Fillette que vous êtes, moi j'appelle ça de la lâcheté. »« Ah, si c'était pour vos sentiments que l'on vous aime, vous ne seriez guère importunée par nous. »« Enfin, le docteur ne vous a rien appris de moi, bon. »« Eh bien moi, je ne vous laisserai pas dans la même ignorance. » Je suis la maîtresse du docteur, depuis 5 ans, et je l'adore. Je l'adore. Entendez-vous, monsieur ? Il n'y a personne, hormis vous, qui m'entendez en ce moment ici, mais je le crierai aussi bien sur la place publique. Je l'adore. Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Mais je ne vous fais aucune confiance. Puisque je vous dis que j'irai aussi bien crier ceci sur les toits, vous pensez bien si je me moque que vous alliez le répéter ce soir chez vos voisins ou bien ailleurs ? Non, ces messieurs sont tous les mêmes. Ils croient, dès qu'un mot à leur adresse n'est pas désobligeant, qu'on leur accorde une marque particulière d'attention. Si on est poli, ils pensent qu'on les flatte et qu'on les honore. Des histoires, vous faire confiance. Mais, monsieur, tout se dit, tout se répète, tout se sait. Pas tant que vous le croyez, madame, puisque vous voyez que j'ignorais une situation qui doit tenir grande place dans la vie d'un homme que je vois tous les jours. Si vous l'ignoriez, me dit-elle, c'est parce que vous êtes romancier et que vous arrangez les choses à la couleur de votre esprit. Oh, je sais comment sont les gens. Vous vous êtes mis dans la tête que le docteur était un homme vertueux, un mari modèle. Vous le verriez couché dans mon lit, vous affirmeriez qu'il applique une méthode curative. Je ne pus m'empêcher de sourire, mais je l'aurais prise volontiers par la peau du cou pour l'acheter par la portière. Ce n'est pas ma faute si je n'éprouve de considération que pour les amours muettes et voilées. Et une incoercible irritation devant l'expression des fureurs bachiques. Que je préfère donc l'attitude pudique de celui qui songe à la flèche du fils de Vénus et soupire tout bas. J'étais blessé. Oui, mais malgré tout cela, je considérais sur la banquette en face de moi ma Bacchante. Le tourment qui la déchirait, l'essai de détente auquel elle avait recouru en laissant éclater son aveu, la satisfaction aussi que nous éprouvons toujours à nous peindre, fût-ce en déclarant notre détresse profonde, communiquait à son visage un attrait multiple et contradictoire. Vous me regardez comme un phénomène. Je la regardais trop attentivement, sans doute. Elle ajouta. Vous vous dites, c'est une petite femme amoureuse, elle a besoin de s'épancher, elle fait le voyage de Paris pour me raconter son histoire. Non, lui dis-je rapidement, je crois que vous avez une meilleure raison de faire le voyage de Paris. Ah, vous devinez. Eh bien oui. Je vais à Paris pour essayer de le voir. Mais puisque vous ne savez pas où il est, je sais qu'il fait opérer la plupart de ses malades rue du Cherche-Midi. Je vais y aller. Il me l'a absolument défendu. Je n'y suis jamais allé. mais aussi il n'avait jamais manqué jusqu'ici de venir me voir au jour dit. En admettant qu'il soit là, vous le verrez dans un couloir, entre deux portes. Eh bien, dites donc, est-ce que ce n'est rien, cela ? J'obtiendrai aussi le rendez-vous qu'il a négligé de vous donner pour moi. Je reviendrai ce soir à Saint-Germain, calmé. Je la regardais encore et sans rien dire. Cette fois, elle me touchait. Pourquoi, lui dis-je, n'avez-vous pas à Paris un endroit où rencontrer un homme si occupé ? Cela lui épargnerait des déplacements. Il ne le veut pas. Elle s'interrompit, et je vis en ses yeux la brusque moue qui précède les larmes. Un pied-à-terre à Paris devait être l'objet de discussions entre elle et le docteur. Elle lui désirait un abri dans la ville afin de rencontrer son amant plus souvent. Pourquoi ne le voulait-il pas ? Elle prévint mon interrogation. C'est pour lui une question de scrupule. Comprenez, il vient à Saint-Germain. C'est une visite de médecin à sa cliente. Avoir un pied-à-terre, lui, les quittances témoigneraient de sa conduite irrégulière. Il se rend malheureux. Il est malheureux, songez donc, marié et n'aimant pas sa femme. Ces mots me firent mal comme l'énoncé péremptoire d'une erreur manifeste. Mais j'eusse été bien en peine de prouver l'erreur. Je dis presque machinalement, « Il faut qu'il vous aime bien fort. » Son regard s'éleva et se fixa sur le ciel, à travers la glace de la portière. C'était un regard de foi totale. Il ne s'accompagnait ni du sourire de la satisfaction, ni de l'ombre d'une réserve ou d'un doute. Quoiqu'elle n'eût rien de remarquable quant au physique, elle fut presque belle à cet instant et elle commença de m'intéresser davantage. Cette fois, elle abandonnait toute jactance. La fièvre qui, à un moment, l'avait échauffée, paraissait tomber. Elle me parla sans outrepasser ce qui désormais pour moi était la vraisemblance. « Connaissez-vous beaucoup d'hommes capables de se donner le mal qu'il prend pour moi ? Il a ses manies, c'est entendu. Il pourrait simplifier les choses, vous le constatez vous-même, puisque je n'exige pas qu'il vienne à Saint-Germain et il y vient. » Mais il y vient deux ou trois fois la semaine, dès qu'il peut. Je sais, mais vous le croirez, que pour y venir, il sacrifie des visites fructueuses et arrête l'extension d'une clientèle dont il a besoin. Il ne fait cela que moyennant des combinaisons machiavéliques, périlleuses, presque comiques aussi, mais dont l'invraisemblable complication me cause à chaque fois des surprises. De cet homme de science, vous pourriez faire un feuilletoniste de premier ordre, je vous en réponds. Il fait le plan d'une aventure à péripéties et il la met à exécution à ses risques et avec une audace de casse-cou car on a l'œil sur lui. Quel caractère ! Pas une négligence envers moi, mais que rien ne cloche dans son ménage. Comment arrive-t-il, tout en passant des vacances bourgeoises sur la plage la plus bourgeoise du monde, à me donner à moi au moins un jour toutes les deux semaines et quelquefois une nuit ? Comment arrive-t-il, après ces deux mois de grand air et de repos, comme il dit, à fournir presque chaque année un travail écrit qui fait sensation dans le monde médical ? C'est un prodige. Il est admirable. Je l'ai toujours beaucoup admiré. Elle me fixa tout à coup le buste penché en avant. Comment se fait-il qu'il ne vous ait jamais rien dit de moi ? Est-ce que, près de vous, il prétendait me faire des confidences ? Il m'a toujours dit qu'il n'en faisait pas, mais je ne l'ai pas cru. Pourquoi ce manque de confiance en sa parole ? Confiance, confiance. Quelqu'un qui aime a toujours besoin de le dire. Il n'est pas homme à le dire à n'importe qui. Il n'y a pas si longtemps que je suis son ami. Je vous connais depuis ce matin, moi, et je vous ai déjà tout dit. Peut-être parle-t-il à d'autres ? À ses confrères, même à ses vieux camarades. Je connais ce monde-là, non. C'est à vous qu'il aurait pu parler. Je lui demandai en souriant. Allons, allons, qu'il parle ou ne parle pas. Vous n'avez aucune peur qu'il vous aime moins pour cela. Des motifs d'inquiétude passaient dans le ciel de son imagination, comme les nuages qui menacent d'obscurcir la terre sans que celle-ci cesse un seul instant de croire à l'existence du soleil. Nous arrivions à la gare Saint-Lazare. Je lui offris de la conduire jusqu'à la clinique, et je la laissai là, à la porte d'une maison où rien n'était moins sûr que la rencontre espérée par elle, et d'où elle repartirait peut-être, après une longue et vaine attente, rentrée seule à Saint-Germain, dans la petite rue faubourienne, bâtie d'un seul côté et combien triste à cette heure d'arrière-automne, où l'amoureuse, en compagnie de la servante bavarde et de sa foi parfaite, continuerait d'attendre. Quant à moi, de retour à mon domicile, j'attendis la visite du docteur. Je ne doutais pas qu'il ne vînt s'informer du résultat de ma visite à Saint-Germain, si occupé qu'il fût. Il ne vint pas dans la soirée. Je n'entendis pas parler de lui le lendemain. Alors je supposai que Mme Janet l'avait rejoint à la clinique, ou dans la rue, qu'il était donc tranquillisé sur le sort de son ami et qu'il remettait sa visite chez moi à la prochaine heure de loisir, laquelle pouvait tarder. Le surlendemain, je reçus de lui un télégramme avec ces simples mots, toujours auprès de mon malade, mais que je vous suis donc reconnaissant. À bientôt. Il avait su le résultat de ma visite à Saint-Germain, soit directement, soit par une lettre de Madame Janet. J'avoue que je m'intéressais désormais assez peu à lui. Affaissement sentimental tout provisoire, sans doute, et très injuste peut-être, qui n'entait même pas l'estime que j'avais pour son esprit. Mais la révélation de cette liaison inexplicable pour qui connaissait la perfection de son ménage, le grand charme de Madame Barrégère, l'amour qu'elle avait pour son mari et les démonstrations d'amour qu'il avait pour elle, l'appréhension du danger que faisait courir à cette exquise femme une rivale aussi passionnée que l'était la solitaire de Saint-Germain, me causait un malaise et une mauvaise humeur. Je me souviens que je faisais ces réflexions en regardant tomber les feuilles jaunies dans le jardin des Réaux quand on m'annonça la visite du docteur. Pour la première fois, je sentais son approche sans plaisir. Il me regarda franchement, comme de coutume, et me dit « Oh, je vois que je vous dérange, vous étiez en train d'avoir de mauvaises pensées. Tenez, en regardant pleurer les arbres. Mais vous voilà, comment va votre malade? Ni bien ni mal. Il est décédé ce matin à 5 heures, mais j'ai peu de temps, moi. Je tenais à vous remercier de votre complaisance. » Et puis, il s'arrêta. Il n'avait certainement pas préparé la formule de ce qu'il désirait me dire. « Ma complaisance a été bien vaine, lui dis-je, puisque je n'ai pas réussi à rassurer complètement Madame Janet. Cet insuccès m'a du moins valu de faire le voyage de retour avec votre gracieuse cliente. Comment? Vous avez voyagé avec elle? Elle ne me l'a pas dit. Mais à quelle heure êtes-vous donc revenu? J'ai déposé Madame Janet à la porte de la clinique, rue du Cherche-Midi, à 5 heures. Mais j'étais rue de la Chaise. Alors vous n'avez pas vu Madame Janet? Si, à 11 heures du soir. Eh bien, elle aura couru les cliniques de 5 heures à 11 heures. Elle ne vous a pas non plus dit cela. » Le docteur soupira. Son regard me prouva qu'il ne tirait pas vanité de cette extraordinaire patience de femme. Je suppose qu'il ne se félicitait guère de l'avoir inspirée dans l'occasion présente, car elle avait dû lui valoir une nuit dans quelque hôtel, au lieu du repos chez lui que certainement il souhaitait prendre. En revanche, je ne m'attendrissais pas à autre mesure sur le sort de l'amante. Quoi ? Elle avait réussi à imposer une nuit, sa nuit à elle, au pauvre docteur exténué, qui venait de courir à mes soins pour reculer cette fête galante. Le docteur revenait à l'idée qui était demeurée inexprimée sur sa bouche hésitante. « Je ne veux pas vous avoir employé à une tâche vraiment amicale et dont vous n'avez pu manquer de comprendre aussitôt les dessous. » Je fis un signe de la main, voulant dire « Je vous épargne d'insister. »« Si, si, » dit-il, « je vous dois désormais toute la vérité. » Et croyez bien que je ne viens pas vous encombrer d'une confession qui pourrait être de ma part un acte de politesse, vous pourrait causer une perte de temps fastidieuse. Si j'entreprends délibérément de vous raconter mon histoire, c'est que je me place et vous prie de vous placer un point de vue tout à fait impersonnel. Faisons tous les deux, si vous le voulez bien, de la pure objectivité.